Chapitre 5. L'histoire de la dame sans tête. Marcel Leguet et Léon Sauvage se levèrent à une heure assez tardive. Le comte de Beaulieu les attendait pour déjeuner. Dès qu'il les vit, il alla à eux les mains tendues. Puis tous se mirent à table. « Excusez-moi, dit le comte, si le service laisse à désirer. Depuis mon arrivée dans ce château, trois de mes domestiques m'ont quitté, un quatrième est mort. Aujourd'hui matin, un cinquième vient de me déclarer qu'il désire quitter ce manoir maudit. »« Ce manoir maudit ? » dit Leguet avec surprise. « Eh oui, continua le comte, mes serviteurs prétendent que mon château est hanté. Plusieurs d'entre eux m'ont déclaré, à plusieurs reprises, avoir vu apparaître un être mystérieux, un moine revêtu d'une cagoule noire et accompagné d'une femme sans tête. » « Une femme sans tête ? » s'écria Leguet en réprimant un frémissement. Il avait failli dire « Cette femme sans tête, nous l'avons vue nous aussi. » « Oui, dit le comte, c'est une histoire relative à ma famille. Une tradition veut qu'un de mes ancêtres ait eu, il y a quelques siècles, maille à partir avec un moine appartenant à la confrérie établie dans le monastère dont on voit les ruines d'ici. Ce moine était issu de la branche cadette des Beaulieu qui aurait été lésée. C'était un saint homme qui avait suivi sa vocation. En réalité, il n'y eut entre lui et mon ancêtre aucun dissentiment. » Mais certains paysans cupides, prêtant leurs sentiments à ce religieux, lui attribuèrent certains malheurs qui frappèrent ma famille. Après sa mort, on prétendit même que son âme hantait le château et poursuivait de sa rancune les descendants de la branche aînée. C'est là une légende qui impressionne les bonnes gens du pays. « Et la femme sans tête ? » interrompit Leguet. « Ceci appartient à l'histoire. C'est un épisode tragique de la terreur. Vous n'ignorez pas, sans doute, qu'une de mes grand-tantes, la marquise de Beaulieu, mourut sur l'échafaud. » « Je l'ignore, dit Leguet. N'avez-vous donc jamais lu les souvenirs d'Antony, de Dumas père ? » « Non. » L'auteur de Monte-Cristo relate cet épisode historique. Je possède cet ouvrage dans ma bibliothèque et, si vous le désirez, je vous ferai lire le passage qui a trait à ma famille. « Très volontiers. » Ma grand-tante, la marquise Blanche de Beaulieu, eut donc la tête tranchée. Ce drame horrible fit naître une nouvelle légende et l'on prétendit que la pauvre morte revenait. Mes serviteurs affirment avoir vu, la nuit, en compagnie du moine à la cagoule noire, une dame sans tête, toute vêtue de blanc. Parfois, disent-ils, ces deux mystérieux personnages se promènent dans le parc à la clarté de la lune, d'autres fois dans les couloirs ténébreux et solitaires du château. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais tout à l'heure, trois serviteurs m'ont d'abord quitté en déclarant que ce manoir était hanté. Un quatrième a été trouvé poignardé dans une galerie. Comme on n'avait pas découvert le meurtrier, on affirma qu'il avait été tué par le moine noir. Enfin, ce matin, un cinquième serviteur vint me trouver. Il était tout effaré et tremblant. Il me déclara que, cette nuit même, il avait entendu du bruit dans le couloir. Il s'était levé et habillé, puis, s'étant emparé d'une lumière, il était sorti de sa chambre. C'est alors qu'il avait vu le moine noir et la dame sans tête. Il tomba évanoui, et ce matin, il me déclara à regret qu'il n'oserait plus passer une nuit ici. « Tout cela est bien étrange, remarqua Leguet. » Le repas terminé, les trois jeunes hommes firent une promenade dans le parc. Puis ils rentrèrent au château. Le comte conduisit ses hôtes dans sa bibliothèque et offrit des cigares. Tout en fumant, on reparla de la mystérieuse femme sans tête. « Je vais vous montrer le passage du roman relatif à cet horrible épisode, » dit Louis de Beaulieu. Il tira de sa bibliothèque les souvenirs d'Antony, d'Alexandre Dumas père, et l'ayant ouvert, il le tendit à Leguet en disant « Voici ce que dit Dumas. » Et les jeunes gens lurent le récit tragique de l'amour du jeune général Marceau pour la jolie Blanche de Beaulieu, fille du marquis de Beaulieu, chef des Chouans. C'est en vain que le brillant officier tenta de sauver la jeune femme, qui fut décapitée au moment où sa grâce venait d'être signée par Robespierre. Quelle tragique histoire, dit Marcel Leguet quand il eut terminé la lecture de cet épisode. Et c'est donc, d'après la tradition locale, l'âme de cette malheureuse marquise de Beaulieu qui viendrait hanter le château ? Oui, les paysans de la contrée sont très superstitieux, répondit Louis de Beaulieu. L'heure du dîner venait de sonner. Les trois jeunes gens, assombris par le pénible récit qu'ils venaient de lire, se levèrent et pénétrèrent dans la salle à manger. La journée s'écoula lentement. À la soirée, Sauvage se rendit à la ville voisine pour se procurer de nouvelles limes. Après le souper, Leguet et son compagnon se retirèrent assez tôt dans leurs appartements.